Donc, d'après Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, il a dit au messager d'Allah: informe-moi au sujet d'une œuvre qui me fera rentrer au paradis et m'éloignera de l'enfer. Il dit alors: tu demandes une chose vraiment immense, mais qui est facile pour celui auquel Allah l'a facilité. Tu dois adorer Allah sans ne lui donner aucun associé. Accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée. Puis il ajouta: ne souhaites-tu pas que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est une protection. L'aumône éteint l'erreur, comme l'eau éteint le feu, de même que la prière de l'homme en pleine nuit. Puis il récita: Tatajafa junubuhum anil madajir. Ils s'arrachent de leur lit jusqu'à Yarmaloun, ce qu'ils œuvraient. Es-Sajda, versets 16 et 17. Puis il dit: ne souhaites-tu pas que je t'indique la chose capitale, son pilier et son sommet? Je dis si au messager d'Allah. Il dit: la chose capitale est l'islam, son pilier est la prière et son sommet est la lutte sur le sentier d'Allah. Puis il dit: ne souhaites-tu pas que je t'indique de quoi dépend tout cela? Je dis si, messager d'Allah. Il saisit alors sa langue et dit: retiens bien ceci. Je dis au prophète d'Allah: serons-nous châtiés pour ce que nous disons? Il dit alors: que ta mère te perde, ya Mu'adh, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est ce que leur langue ont semé? Rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit: c'est un hadith authentique. Lorsqu'il dit au messager d'Allah: informe-moi au sujet d'une œuvre qui me fera rentrer au paradis et m'éloignera de l'enfer, Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était une habitude chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils avaient une question, ils venaient la poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui médite sur ces questions trouvera plusieurs choses. La première, c'est que les compagnons posaient des questions sur ce qui les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire de nos questions qui sont souvent sur des sujets mondains. La deuxième, c'est que les compagnons posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en pratiquer les réponses, au contraire de nos questions qui sont souvent par curiosité. En effet, beaucoup de gens à notre époque, lorsqu'ils posent une question aux gens de science, ce n'est pas pour mettre en pratique la réponse, mais plutôt par curiosité ou seulement pour accroître leur science. La troisième, il y a dans leur question, c'est-à-dire dans la question, dans les questions des compagnons, une leçon à tirer. Et cette leçon, c'est que le musulman doit faire passer l'au-delà avant la vie d'ici-bas. Et c'est ce que les compagnons ont compris. C'est pour cela que leur question n'était pas sur comment avoir de l'argent ou comment avoir telle et telle chose parmi les choses mondaines. Et la quatrième, c'est que poser des questions est une façon d'apprendre la science, car c'était l'une des manières que les compagnons employaient pour apprendre, et c'était l'une des façons du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner à ses compagnons. Et jusqu'à maintenant, nous profitons des questions que les compagnons ont posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous profitons des réponses qui leur ont été données. Et les questions religieuses d'un point de vue général ont été la cause de l'écriture de nombreux livres, car à l'époque, comme vous le savez, il n'y avait pas de téléphone. Donc lorsque les gens avaient une question, ils voyageaient directement pour questionner les savants. Et souvent les savants répondaient à ces questions par l'écriture d'un livre, comme l'a fait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah par exemple, dans son poème intitulé Al-Lamiyya, car le début du poème, il indique qu'il répond à une question. Il dit, cher l'Islam Taymiyyah: Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqa al-huda, man lil-hidayati yas'alu. Il dit, selon la traduction: ô toi qui m'interroges sur ma voie et ma croyance, que soit pourvu de la guider celui qui interroge afin d'être guidé. Et aussi, comme l'a fait aussi son élève Ibn al-Qayyim dans son livre intitulé « Péché et guérison ». C'est quelqu'un qui lui a posé une question et il a écrit un livre en réponse de cette question. Et lorsqu'il dit « d'une œuvre qui me fera rentrer au paradis et m'éloignera de l'enfer », ceci nous montre que pour rentrer au paradis, il faut faire les causes qui y mènent et que pour être préservé de l'enfer, il faut faire les causes pour s'en écarter. Même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Car certaines personnes, lorsque tu vas leur dire de délaisser les péchés, de faire des bonnes actions, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire que c'est Allah qui guide. Et qu'Allah, c'est lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Mais il ne va pas faire les causes. Et ceci est une grosse erreur. Regardez ce noble compagnon qui est Mu'adh ibn Jabal et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme le plus grand savant de la communauté dans le licite et l'illicite. Malgré cela, il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des causes pour rentrer au paradis et être préservé de l'enfer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Tu demandes une chose vraiment immense » mais qui est facile pour celui auquel Allah l'a facilité. Cette question est immense, car en vérité, elle est en relation avec le paradis et l'enfer. Et ceci, comme vous le savez, est la fin et la destination de toute personne. Tout le monde veut rentrer au paradis, et tout le monde veut être préservé de l'enfer. C'est pour cela que la question est immense, car si la personne met en pratique la réponse, sa destination sera le paradis, incha'Allah. Et lorsqu'il dit, tu dois adorer Allah sans ne lui donner aucun associé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné plusieurs choses dans ce hadith, comme le jeûne, l'aumône, la prière, etc. Mais il a commencé par la base qui est le tawhid. Il a commencé par la base qui est le tawhid. Car sans lui, tout le reste des actions ne peut pas être accepté. C'est pour cela que tous les prophètes ont commencé leur prêche par le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Hud, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Et au peuple de 'Ad, nous avons envoyé leur frère Hud qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Surat al-A'raf, verset 65. Et il dit à propos de Shu'aib, wa ila madyan akhahum Shu'aiba qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez pas de divinité en dehors d'Allah, ô mon peuple. N'adorez, ou plutôt, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Sourate Hud, verset 84. Et Cheikh Al-Fawzan dit dans son livre intitulé Al-Ishad que tous les prophètes ont commencé leur prêche par cette parole. Fin de citation. Et le tawhid, c'est unifier Allah dans ce qui lui est propre. Et ce qui lui est propre est de trois types. La seigneurie, l'adoration et les noms et attributs. Et dans ce hadith, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne l'unicité dans l'adoration, qui consiste à adorer Allah sans rien lui associer, ceci nous montre que cette unicité-là est le plus important. Car les polythéistes, en règle générale, reconnaissent l'unicité dans la seigneurie, qui consiste à croire que c'est Allah qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort. Mais en ce qui concerne l'adoration, il l'avoue pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan, et faire le pèlerinage à la maison sacrée. Donc il a ensuite mentionné les autres piliers de l'islam, et ceci après le tawhid, pour nous montrer que le tawhid, c'est comme les fondations, sans lui, tout s'écroule. Et lorsqu'il dit « Ne souhaites-tu pas que je t'indique les portes du bien ?» Ceci nous montre la sagesse de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, car il a mentionné ici plus que comporte la question. Et comme l'ont mentionné les savants, ceci est une habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lorsque le besoin s'y prêtait, il rajouta à la réponse des choses bénéfiques. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Donc ce qui est voulu par le jeûne ici, c'est celui qui n'est pas obligatoire, car il a déjà mentionné le jeûne qui est obligatoire auparavant. Et le jeûne est une protection dans la vie d'ici-bas, car il préserve des péchés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux vous les jeunes, que celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse, car cela aide à baisser le regard et préserver son sexe. Et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne, ce sera pour lui une protection. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. C'est aussi une protection, car le jeûneur s'abstient de manger et boire, comme a dit le grand savant, donc c'est une protection car le jeûneur s'abstient de manger et boire. Et comme a dit le grand savant Ibn Qudama al-Maqdisi, dans son livre intitulé Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, il dit manger et boire intensifie les passions. Donc lorsqu'il va jeûner, ceci sera pour lui une préservation. Et le jeûne est aussi une protection dans l'au-delà, car celui qui va multiplier le jeûne rentrera, incha'Allah ta'ala, par la porte du paradis consacré aux jeûneurs. Donc il y a certes dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est une protection, une incitation et un encouragement à multiplier le jeûne. À multiplier le jeûne. Ensuite il dit l'aumône éteint l'erreur comme l'eau éteint le feu. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare l'aumône à de l'eau, car elle éteint le feu, et ceci avec certitude, tout comme l'aumône efface le péché. Mais ce qui est voulu par le péché ici, c'est celui qui a été commis envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en ce qui concerne l'injustice envers le serviteur, la bonne action ira à l'opprimé, comme l'a mentionné le grand savant Cheikh Al-Mubarak Fouri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et la question qu'on peut se poser ici, est-ce que l'aumône efface tous les péchés? Et la réponse à cela, c'est que l'aumône n'efface pas tous les péchés, car elle ne peut pas effacer les grands péchés, car les grands péchés ont besoin d'un repentir. C'est pour cela que ce qui est voulu par la parole d'Allah, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, les bonnes actions effacent les mauvaises, ce sont les petits péchés. Ensuite, il dit, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici, il nous parle de l'aumône. Et l'aumône a de nombreux profits. Parmi eux, c'est l'une des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'homme aime beaucoup l'argent. Donc le fait qu'il donne cet argent qu'il aime en aumône pour l'agrément d'Allah, ceci est une chose qu'Allah aime. Et aussi, ça fait partie des meilleures œuvres. Car, selon les savants, les œuvres sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle al-a'mal, al-lazima. Donc, ce sont les actions qui ont un impact uniquement sur notre propre personne, comme le jeûne, par exemple, la prière, le pèlerinage. Et il y a ce qu'on appelle al-a'mal al-muta'addiya. Ce sont les actions qui ont un impact sur nous et sur les autres, comme l'enseignement de la religion, l'aumône, etc. Et ceci fait partie des meilleures œuvres, car le profit est plus grand. Lorsque tu donnes l'aumône, tu profiteras certes de celle-ci, car Allah te récompensera pour cela, et elle profitera aussi à celui qui va la recevoir. Et il y a un profit dans l'aumône que beaucoup de gens ignorent. Et lorsque je dis beaucoup de gens ignorent, c'est possible que même certains, parmi les étudiants en sciences, ignorent ce profit. Et avait ce profit-là, c'est que l'aumône est une cause d'augmentation de la foi pour la personne qui la reçoit. Donc cette parole, elle demande des explications. Donc les gens à qui on donne l'aumône, ils sont différents. Parmi eux, il y a des gens qui sont éprouvés et qui demandent à Allah de leur faciliter. Et sûrement que l'épreuve va durer. Et lorsque tu vas donner une aumône à cette personne qui attendait la fin de cette épreuve avec impatience, il n'y a pas de doute que ceci va augmenter sa foi et ceci va lui donner l'envie de remercier Allah pour ce bien. Et tu as certes été une cause à cela, même si, comme vous le savez en réalité, c'est Allah qui l'a facilité. Et lorsqu'il dit, de même que la prière de l'homme en pleine nuit, c'est-à-dire que l'homme se lève pour faire la prière de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de l'homme, mais ceci ne lui est pas spécifique car la femme aussi rentre dans cela. La prière de la nuit est l'une des plus grandes portes de bien. En effet, beaucoup de nos œuvres dans la vie quotidienne sont vues par autrui. Pour l'homme, par exemple, il prie à la mosquée, donc les gens, forcément, ils vont le voir prier. Pareil pour certaines œuvres, comme l'étude de la science. C'est pour cela que pour ces œuvres-là, la personne, elle peut être tentée par l'innovation. Alors que pour la prière de nuit, elle ne sera pas tentée par l'ostentation. Elle ne sera pas tentée par l'ostentation. Donc on a dit que lorsque c'est des œuvres comme la prière, comme l'étude de la science, etc., c'est peut-être, on va dire, ça va être, la personne, elle va être tentée par l'ostentation. Alors que pour la prière de nuit, elle ne sera pas tentée par l'ostentation, car personne ne la voit. À cette heure-là, les gens dorment. Les gens sont dans leur sommeil. C'est pour cela qu'il a été dit que celui qui se lève pour prier la nuit, ceci est une preuve de sa sincérité. Mais ceci n'est pas donné à tout le monde. Mais les savants ont mentionné certaines causes qui facilitent la prière de nuit. Et ces causes-là sont de deux types, apparentes et cachées. Parmi les causes apparentes, il y a par exemple ne pas beaucoup manger. Ne pas faire par exemple des métiers difficiles qui vont prendre à la personne beaucoup d'énergie. Aussi ne pas délaisser la sieste. Car la sieste aide à se lever la nuit. Et aussi il y a s'écarter des péchés. L'imam al-Thawri, qu'Allah l'agré, disait « J'ai été privé de la prière de nuit 5 mois à cause d'un péché que j'ai commis. » Et parmi les causes cachées, il y a la connaissance du mérite de la prière de la nuit. Et il y a aussi que le cœur soit exempt de toute chose vis-à-vis des musulmans, comme l'a mentionné Ibn Qudama al-Maqdisi dans son livre intitulé « Murtasar Menhaj al-Qasidi ». Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que la prière de l'homme en pleine nuit, il y a une incitation à la prière de nuit. Mais malgré cela, quelqu'un pourrait dire qu'il n'y arrive pas car c'est trop dur. Nous lui disons alors que la prière de nuit a plusieurs degrés. Certains savants en ont mentionné 6 et parmi ces degrés, se lever pour prier quelques unités de prière. Et même dans le cas où tu ne pourrais pas faire tes ablutions pour prier, alors dans ce cas-là, lève-toi au moins pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita quelques versets de surat al-Sajda. Et ici, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une preuve du Coran. Alors que le Coran lui a été révélé et que sa simple parole, c'est-à-dire la simple parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve. Alors que dire de quelqu'un dont la parole seule n'est pas suffisante et n'est pas une preuve? Et il y a dans cela une leçon pour les étudiants en sciences et pour toute personne qui veut parler dans la religion d'Allah, il se doit de donner des preuves, soit du Coran ou soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite il dit, ne souhaites-tu pas que je t'indique la chose capitale, son pilier et son sommet? Je dis si au messager d'Allah. Il dit la chose capitale est l'islam, son pilier est la prière. Et son sommet est la lutte sur le sentier d'Allah. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut par cette parole nous montrer l'importance de ces trois choses. Il a commencé par l'islam. Car sans l'islam, l'œuvre ne peut pas être acceptée. Et ce qui est voulu par l'islam ici, c'est les deux attestations. Ensuite, la prière, car c'est le pilier le plus important après les deux attestations. Et il a fini par la lutte sur le sentier d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par mettre en garde Mu'adh ibn Jabal contre sa langue. Et lui dit, ne souhaites-tu pas que je t'indique de quoi dépend tout cela? Je dis, si, messager d'Allah. Il saisit alors sa langue et dit, retiens bien ceci. Je dis au prophète d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disions? Ou plutôt pour ce que nous disons? Il dit alors, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est ce que leur langue ont semé? Donc ceci nous montre la dangerosité de ne pas tenir sa langue. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, cela montre que retenir sa langue est la base de tout bien. Cela montre que retenir sa langue est la base de tout bien. Fin de citation. Et on peut dire aussi le contraire. Retenir sa langue est la base, ou plutôt ne pas retenir sa langue, est la base de tout mal. Ne vois-tu pas, ya Abdallah, que beaucoup de péchés proviennent de la langue, la mécréance, le faux témoignage, le mensonge, le polythéisme, la médisance, la calomnie, la sorcellerie, le colportage, et bien d'autres encore. Tous ces péchés-là se font avec la langue, et ils ne demandent pas d'effort. Si la langue n'est pas retenue, cela peut avoir de très graves conséquences. Prenons par exemple ce qu'on appelle an-namima. Et l'an-namima, c'est le fait de propager la parole de quelqu'un à autrui pour semer la corruption. Exemple, quelqu'un vient te voir en te disant, regarde lui, qu'est-ce qu'il dit sur toi, subhanallah, il dit telle et telle chose sur toi. Regardez ses répercussions dévastatrices dans la société. Ne voyez-vous pas qu'elle est très dangereuse et que c'est la cause de beaucoup de divisions? L'éminent savant Shir al-Fawzan, dans son livre intitulé « I'anatul Mustafid », dit « Pourquoi la namima est dangereuse à ce point ?» Il dit ensuite « Car la namima fait l'action de la sorcellerie. Il divise les gens tout comme la sorcellerie et même plus. Comme l'ont dit certains, celui qui fait la namima corrompt en une heure ce que le sorcier corrompt en une année. » Fin de citation. Et il suffit comme avertissement que la destination de celui qui ne retient pas sa langue peut être l'abîme de l'enfer. Et nous allons finir cette intervention par mentionner un hadith pour nous rappeler l'obligation de retenir sa langue et qu'une seule parole peut annuler toutes nos œuvres. D'après Jundub, le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, un homme s'exclama, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah le Très-Haut dit alors, qui est celui qui jure par moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je pardonne certes à un tel et annule tes œuvres. Ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est rapporté par Muslim. Donc c'est sur ces mots que nous finissons l'explication de ces deux magnifiques hadiths. Et je tenais à remercier tous ceux qui ont œuvré pour l'accomplissement de ce séminaire et aussi tous les participants. Et c'est très important que les gens de la Sunna unissent leurs forces et on espère qu'il y aura d'autres séminaires Incha'Allah Ta'ala. Donc on demande à Allah Subhanahu Wa Ta'ala de nous accorder une science bénéfique. Donc je m'excuse pour la petite ziyada à la fin. On m'a donné une heure, mais qaddar Allah ma shafa'a, le frère Abdel Karim, wafaqahu Allah, il m'excusera. Donc on demande à Allah Subhanahu Wa Ta'ala de nous accorder une science bénéfique. On demande à Allah Subhanahu Wa Ta'ala de nous faciliter à mettre en pratique notre science. Donc le prochain rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, c'est avec notre frère bien-aimé Saad Abou Abdurrahman. Et le dernier rendez-vous de la journée, ça sera avec notre frère et ami Abdullah Abou Ibrahim. Waffaqahumullah. Wallahu al-musta'an wa bihi tuklan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله.